France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. L'ai-je bien descendu ? La célèbre question a traversé les années, depuis le temps où Cécile Sorel la lança à Mistinguett, dit-on, en 1933, après avoir descendu le grand escalier du Casino de Paris. À 60 ans, la comédienne vedette du Français faisait alors ses débuts au Music Hall dans Vive Paris, revue en deux actes et 45 tableaux, signée pour une part Sacha Guitry et accompagnée par la musique de Ray Ventura et ses collégiens. Sur la scène du Casino, elle succédait à Gaby Delis, à Mistinguett bien sûr, et Maurice Chevalier à Joséphine Baker, en attendant Lynn Renault et Zizi Jeanmaire, que l'on retrouve dans L'ai-je bien descendu, l'avons-nous bien monté, une production de l'atelier de création radiophonique diffusée pour le jour de l'an 1978. Un voyage dans les coulisses des grands music halls et cabarets parisiens, du Casino au Moulin Rouge, du Lido au Paradis Latin, en passant par le Crazy Horse. Embrassons-nous sous le gui et sous une pluie de champagne, de confettis et serpentins, sous un déluge de gaieté, de lumière, de paillettes, de strass et de plumes, de plumes, de plumes, de plumes partout. ACR, Atelier de création radiophonique. Moi, j'aime les music halls et on dira ba ba ra ba ra boum. Atelier de création radiophonique. Para para para pam. L'ai-je bien descendu? L'avons-nous bien monté? Para para para pam. Car il y aura toujours les Vistros, Bart et Lacan, de les Ouattari et Val. Dodo de Boubou, Bernadette Chachacha, Michou Krasi, Dolly Dahlia, Rita Faribol, Angine Gardenal, Vendetta Cool, Vérité Monminou, André Assaut, Mika Trombone. Grâce à l'indiscrétion d'un microphone, nous allons donc vous faire assister à la dernière répétition d'une revue à grand spectacle. Alors, on est toutes nues. Bonjour, bonjour, Javi. Vous êtes très belle aujourd'hui. Vous êtes nues. Avec Alcazar, Alfredo Rodrigo Arias, Antonin Artaud, Joséphine Baker, Les Bauchers, Roland Barthes, Alain Bernardin, Loulou Bertal, Joe Bousquet, Marcel Camus, Casino de Paris, Maurice Chevalier, Colette, Crazy Horse Saloon, Joseph Delteil, Marc Denit, Max Ernst, RT, Les Folies Bergères, Loulou Gasté, Gildas, Luis Mans, The Japanese Group, Le Jardin, Michel Giamarti, Gilbert Lascaux, Lido, Lily, Michel Lonsdale, Mallarmé, Marinetti, Mayol, Mistinguett, Hulogier, Le Paradis Latin, Marguerite Pernet, Norma Piccadilly, Dick Price, Lynn Renault, Michel Renault, Frédéric Rey, Jean-Marie Rivière, Marc Ronet, Severo Sardoui, Cécile Sorel, Luce Paldi, Polly Underground, Sénor 26, Villiers de l'Île-Adam. La gloire. Des tonnes de plumes. Ah là, il y a des plumes. C'était les George Mascard. Des plumes roses. Oui, dégradées. Ce qu'on appelait des pleureuses, c'est-à-dire des plumes qui collaient allongées. D'où sortent ces deux étranges personnes collées les unes aux autres. Qui s'avancent lentement dans la rue, suivies d'un millier de nains. Un mètre ou quelque chose comme ça. Des plumes recrues. Est-ce l'homme qu'on appelle l'oplon? On appelle ça des plumes nouées. Le supérieur des oiseaux à cause de son caractère doux et féroce. Sur son énorme chapeau blanc, il arrête dans son vol un extraordinaire oiseau, au plumage émeraude, au bec crochu, à l'œil dur. Plumas, si. Les costumes à plumes, c'est-à-dire ou pour les prologues ou les finales, à la base, c'est un diadème, un soutien-gorge, un slip, des bottes, et... Des plumes. Des plumes, un col de plumes, des hanches, des pattes, des... Il y en a partout, mais alors ce sont des grands éléments qui s'adaptent, surtout les cols et les roues de plumes avec 600 ou 1200 faisans dessus. Ça, c'est pour une fille. La vie d'une plume telle qu'elle est naturelle, c'est un cheveu, c'est un poil, c'est un élément naturel. Et mon Dieu, les plus belles sont maintenant les plus rares, les oiseaux de paradis, les aigrettes, il n'y en a plus. Il n'y en a qu'au Brésil, on n'a pas le droit de les chasser. En plus, sur une aigrette, il y a une... Deliciosas plumas de azufre. Deux douzaines de bonnes plumes, de plumes pour la revue, le reste est de la plume à oreiller. Le faisan, il y en a sept, dont une seule qui dépasse le 1m50, 1m60, ce qui est rare. Et ça coûte très cher parce que... Les faisans ont la queue qui traîne. On est obligé de les mettre dans des enclos pour pas qu'ils se marchent les uns sur la queue des autres, pour pas abîmer la plume. Ça bouffe comme un cochon. La plume repousse pas comme l'autruche, qui elle repousse pas tous les mois, mais repousse plus facilement. Puis il y en a plein. L'autruche, il y en a à la gorge, sur le dos, dessus, dessous, sous les ailes. Mais le faisan, il y en a sept, dont une très belle. Par exemple, pour des autruches, c'est brut, c'est beige sable, sale, avec les pointes noires. Donc, on voit le lot, on le divise, on garde les plus belles, parce qu'il n'y a pas toujours de belles pleureuses très larges qui font de la belle plume souple pour le musical. Et donc, les moins belles, on les teint de couleur foncée. Les très belles, on les oxygène, on les lave, on les savonne, on les passe à l'eau oxygénée pour qu'elles deviennent blanc. Les plus belles. Et sur ce blanc, où on les garde blanches pour des costumes blancs, où on les retint, c'est-à-dire les couleurs pastel, jaune pâle, rose pâle, etc. On les frise, on les décolore, on les glycérine, on les passe à des acides de façon que toutes les barbules soient brûlées, qu'il ne reste que des petites pointes, seulement pour la haute couture, pas pour le musical, parce que ça, à 10 mètres, ça se voit plus. Ça. Quoi d'autre? Les faisans, c'est pareil. Les faisans, on ne peut pas avoir de couleur claire en faisant. Le faisan est naturel. Il fut une époque où il y avait de bons teinturiers, de bons chimistes, de bonnes ouvrières. On les décapait, ce qu'on appelle dégradé, pour obtenir un beige sable. Le faisan est marron, hein, vous connaissez le faisan. Et là-dessus, on pouvait faire du bleu ciel, qui avait toujours un côté un peu beige, du rose pâle beige, etc. Mais le fait de les dégrader bouffe la côte de la plume, et les plumes sont très fragiles. Un faisan n'est pas très fragile s'il est pris dans le bon sens. Qu'est-ce qu'il y a? Les aigrettes, n'en parlons pas, il n'y en a plus, le paradis encore moins. Paradis... Il y a deux flancs par oiseau, ce sont les mâles qui ont les plus beaux, les femelles ont des petits flancs assez, pas mités, mais beaucoup plus petits, le mâle a des gros flancs, ce qu'on appelle des grands rajas, qui peuvent aller jusqu'à 65 cm de long, pour un oiseau qui est gros comme un petit corbeau, et alors pour avoir du blanc même procédé, il faut les décolorer, etc., et ça, c'est des plumes d'une fragilité, et en plus, si on veut faire un élément, un costume avec des autruches, avec une vingtaine, une trentaine d'autruches, on fait un beau costume. Avec 30 paradis, on fait une ridicule garniture de chapeau. Pour faire un grand costume de paradis, il en faut 2, 3, 4, 5 000, 10 000, 15, 20 000. Alors, les aigrettes, c'est pareil. Maintenant, plus ça va, moins il y a de faisans, moins il y a de... On n'a pas le temps, il faut qu'il... Je ne sais pas combien de temps, mais une plume pour arriver à 1m50. Il n'y a plus de plumes d'1m50, on est obligé de faire des montures pour tricher, mais il n'y a pas les plumes, je ne sais pas si vous avez vu le final, ici, il n'y a personne qui a de grandes plumes. J'en ai deux sur chaque botte, c'est tout. De très très très belles plumes. C'est-à-dire d'1m50, ça peut arriver jusqu'à 1m75. Rarissime. Alors on commence à tricher, on remplace le faisan par du vautour découpé. Mais c'est pas la longueur du faisan. Un vautour de 75 cm, c'est déjà bien. Alors jamais plus. Alors c'est de la monture. Et c'est pas du tout, ça n'a pas l'effet. Rien ne remplace la plume telle qu'elle est. On a fait des piquets d'aigrettes, ce qu'on appelle des colonels, ce qui vont sur les devants des chapeaux, en vautour sur champ découpé. C'est pas ça. C'est beau, mais c'est pas de l'aigrette. Maintenant, il y a la dinde qui arrive. Et qui est très très belle, mais on ne peut en faire que des bords, on ne peut rien en faire d'autre. Et encore, il faut la parer, il faut couper la côte pour qu'elle soit molle. Mais c'est une plume qui est solide, qui est jolie, qui fait des boas de près de 30 cm de diamètre. Mais c'est pas l'autruche. Rio de plumas. C'est pas... Ça n'a pas la souplesse de l'autruche. Une belle plume d'autruche peut venir à 60 cm de large au pied, ce qui est énorme, hein, ça fait 30 cm de barbe, c'est rarissime. Moi j'en ai eu quand j'étais à Bobino avec Joséphine. Et elle, sur le lot, un lot de 2, 3 ou 5 kilos, elle avait pu réussir seulement à faire un petit toupet pour le slip. Et puis un petit peu sur les manches qui pendaient, c'est tout. Sur le lot, il y avait 5 plumes comme ça. Et en 1900, on faisait du nouet. C'est-à-dire, on prenait la plume, l'autruche avec ses barbes de chaque côté, et on défaisait une autre autruche, et même plusieurs. Et on nouait les brins bout à bout pour obtenir une longueur. Mistinguette avait un grand costume comme ça, avec 60 cm de largeur de nouet. Ce qui faisait 60 cm, à peu près 12 nœuds par brin. Sur des autruches doublées, qui doivent avoir 200 brins, chaque côté fait 400, 48, 480, 480 nœuds par... C'était, je suppose, en 1916 ou 17. Non, ça fait 4800 nœuds. Je calcule pas très bien, je crois que c'est 4800 nœuds par plume, et elle en avait... Ouf, ça descendait jusqu'à terre, le costume remontait sur les côtés, était tenu par des boys. C'était... J'ai eu une proposition d'une femme qui avait plusieurs tâches de music hall. Et, elle m'a demandé de faire des costumes pour... D'abord pour Mistinguette, dans une revue. Alors, j'ai bien fait des costumes énormes avec énormément de plumes. D'ailleurs, la Miss, c'est la première fois qu'elle avait porté des coiffures immenses aussi. Avec des plumes? Avec des plumes, des paradis, des aigrettes, de tout. C'était dément. Vraiment, c'était un costume qui ferait 50 millions maintenant à refaire. En heure d'ouvrière, si on voulait le refaire. Imaginez-vous prendre des cheveux, les nouer bout à bout. Vous savez, les truches, c'est plus gros, mais c'est aussi mou, c'est un sens naturel, il y a des écailles dessus, comme le cheveu. Si vous nouez dans le mauvais sens, il se rebrousse et le nœud se défait, c'est comme le fil de nylon. Alors imaginez le... En plus, c'est pas n'importe quel nœud, c'est un nœud d'Hercule. Faut le faire dans la plume. Un nœud d'Hercule. C'est le nœud qui fait deux boucles, comme ça, et qui repasse. C'est pas le nœud de notre chaussure, c'est un certain nœud qui contrarie les brins du poil, ce qui fait qu'il ne se défait pas. Mais il se défait au nettoyage, donc on ne le nettoie pas. Et comme c'était toujours des costumes blancs, ça coûtait encore plus cher. Il fallait le changer à chaque fois. Mais je suis sûr que même si quelqu'un avait l'argent et voulait le faire, elle ne pourrait pas le faire parce qu'il n'y a plus d'ouvrières qui savent faire du nouet. Personne ne sait faire du nouet. Les pauvres mémés, elles ont 90 ans, elles sont mortes, elles sont dans le tombeau. Il n'y a plus personne qui sait faire du nouet. Et puis ça se fait pas en 8 jours. C'était des mois et des mois de travail, plusieurs ateliers complets. C'était pas plusieurs ouvrières, c'était des ateliers complets qui s'occupaient d'un costume. 1, 2, 3. C'est un travail. Là, on parle du côté plume, c'est joli, c'est rose, c'est bleu, c'est mignon. Il y a le côté atelier. C'est-à-dire les mains en sang, avec des, ça se travaille avec du laiton, de la corde à piano, des montures soudées, des pinces. Il faut couper de la corde à piano, c'est des pinces, je ne sais pas, je ne connais pas, c'est une pince qui tourne autour de la corde à piano pour l'acier, parce que la corde à piano ne se tord pas, ne se casse pas. Si elle se casse, elle se casse net et au mauvais endroit, toujours, de préférence. Et les femmes qui travaillent ça ont des mains comme ça, c'est de l'arthrite. La patronne avait... Quand elle a fait son apprentissage dans la mode, c'est-à-dire la plume, petit et rond sur un chapeau, petite plume et tout, on lui attachait le majeur sur l'index, l'annulaire sur le majeur, on lui liait tout ça avec de la ficelle ou du sparadrap le matin, et toute la journée elle travaillait comme ça pour pouvoir rouler les montures, enfin la mise sur queue des plumes, pour avoir 3 fois plus de force qu'un index seul. Faites-le, vous allez voir la force qu'on a entre les doigts, si on arrive à tenir, parce que ça fait très mal. Après, il fallait tenir au sparadrap. Et maintenant, cette femme, enfin maintenant, elle est morte, la pauvre, elle est comme ça. Elle était comme ça. Voilà pourquoi la domi-sol, j'aimerais toujours le music-hall. J'aimerais toujours, toujours, toujours, toujours, toujours le music-hall. Wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa. J'aimerais toujours le musical. J'aimerais toujours. Mais vous savez que, en somme, le music hall est venu de l'opéra ballet du 18e. Parce que c'est ça qui m'avait frappé énormément quand j'avais fait les costumes et les décors pour Castor et Pollux de Rameau. C'était du music hall déjà. Un mélange. Et regardez par exemple Les Incalantes. C'est typiquement music hall. C'est une espèce de pot-pourri, sans fil conducteur. Il y a de tout. Le musical, il faut de tout, il faut de la danse, il faut des fleurs, il faut tout. Le musical, c'est un cocktail. Et c'est un cocktail. Et le musical, c'est un cocktail. Voilà. Le musical, c'est un grand spectacle, très coloré, très rythmé, beaucoup de monde, de danseurs, chanter, danser, parler... Je sais pas, je crois que c'est surtout, c'est ça le vrai sens du musical, tel que le musical tamou anglais. Maintenant, autre chose, on appelle aussi du musical là où il y a simplement du tour de chant. Pour moi, c'est pas ça vraiment le musical. Entrez. Non, bien, ils vont vous en parler, le musical. C'est monsieur et madame Baucher qui viennent d'entrer dans la loge. Voilà. Après le spectacle, oui. Eh bien après le spectacle, on parle musical avec monsieur et madame Baucher qui ont racheté le Casino de Paris et repris les destinées du Casino de Paris. Voilà. Bon, très bien, oui. Et le Châtelet aussi. Et le Châtelet. Ça aussi, c'est du musical. C'est du musical, oui, c'est ça. Oui. Bien. Oui, mon Jean. On va dire bonsoir en sourd. Pourquoi? Ben non, on va vous laisser travailler. Mais non, on parle sur France Culture. Mais comment? Pourquoi tu te souviens? Depuis quand t'as peur? Assieds-toi. Madame Baucher. Voilà. Venez là. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, messieurs. Bonsoir, Lynn. Bonsoir, Henriette. Ça va? Eh bien, je vais vous annoncer une bonne nouvelle. Laquelle? C'est la première fois que j'ai pas mal à la cheville depuis 8 jours. C'est pas vrai. Et voilà. Je me suis ça, c'est du musical. Je me suis fait ça toute la soirée. Je me disais, sa cheville. C'était non. Un lancinant dans ma tête. Et vous n'avez pas mal? Plus du tout, c'est fini. Demain, bravo. Demain, je vais pouvoir enlever le bandage. Bravo. Alors, ça aussi, ça fait partie du musical. Ben moi, je vais vous annoncer une bonne chose. Quoi? J'ai engagé une fille de toute beauté aujourd'hui. Oui, je l'ai su tout de suite. C'est la première chose qu'on m'a dit en arrivant. Elle est belle. Oh Dieu, qu'elle est belle. Voilà. Formidable. Formidable. Tu es d'accord avec... Il n'a pas vu. Ah bon. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est pour toi, Jean, le musical? Ouais, le musical, c'est du spectacle. Il y a à la fois du chant, il y a de la danse, il y a de la comédie, il y a du cinéma, oui. Il y a un peu même d'art dramatique. Exactement. Enfin, il y a un peu de tout, et ça, bien éclairé, de belles lumières, des paillettes, voilà, c'est ça. C'est le ce musical. Que je viens de dire. De la féerie. Je crois que c'était un peu un échantillon de tous les genres de spectacles, le musical. C'est une illustration de tout ce qu'on peut faire au spectacle. Et ça, avec beaucoup de lumière, beaucoup de paillettes. Et des costumes. Oui, beaucoup de paillettes, beaucoup de costumes et beaucoup de danse. Et des plumes. Et, je crois et surtout beaucoup de gaieté. Et l'avantage de ce spectacle, c'est que l'on n'a pas à penser. On peut venir, il n'y a qu'à regarder, on en a vraiment plein la vue, on regarde, on écoute, on est content si c'est bon. Et puis alors, c'est international. Voilà, c'est ça. Tout le monde comprend. À Moulin Rouge, beaucoup de cas, comme à la fin, comment il faut voyager avec des cas. Enfin, ça fait vivre un peu les gens, parce qu'autrefois, il n'y avait pas de cas. Mais enfin, il y a des cas, vous voyez. Si vous allez à Place Pigalle, vous avez 20 cas. Vous avez les gens, vous êtes envahis par les cas. Eh bien, bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Est-ce que nous avons des petits Français ou des petits Belges, Suisses, etc. Non ? Personne ? Eh bien, c'est bien dommage, alors voilà. Matsuno-san, Odaka-san, Nakase-san, Ce sont le spectacle arrive en autocar, ce sont Le musical, c'est le seul endroit où les étrangers ils peuvent se réjouir sans que ça leur donne un complexe qu'ils ne comprennent pas les langues, parce que ce qu'on parle dans le musical, ce n'est pas une chose importante. L'avantage de ce spectacle, c'est que l'on n'a pas à penser. Tous les trois minutes, il y a un autre tableau qui enchante les spectateurs, et si un tableau ne leur plaît pas, le moment quand ils se rendent compte que ça ne leur plaisait pas, il y a déjà un autre tableau. Le musical, il faut que ça soit généreux. Il faut que ce soit un grand repas où vous invitez les gens et il faut absolument que les gens disent c'était très bon, très somptueux, il y avait tout ce qu'il fallait, les couvertures étaient jolies, le service était extraordinaire, ce qu'on mangeait c'était délicieux, et il y avait des champagnes extraordinaires, la maîtresse de maison était charmante, le maître de maison était extraordinaire, donc on a passé une soirée extraordinaire. Pas à penser. Pas de politique, rien du tout. Nous sommes en dehors de tout. On ne veut pas s'en occuper du tout. Et nous voulons le ciel bleu, les jardins, les fleurs, tout ce qui peut faire aimer la vie. Voilà, la poésie. Merci. Quand après avoir subi les cris de marchands de programme et les invites des négociants s'offrant à vous cirer des bottes, l'on a franchi le comptoir où, parmi des messieurs assis, un jeune homme debout, à moustache rousse, porteur d'une jambe de bois et d'un ruban rouge, prend les cartes, assisté d'un huissier à chaîne, la scène du théâtre vous apparaît coupée. Au milieu du rideau, par la masse plafonnante du balcon, l'on voit... Tout est pareil. Toujours le même système. D'habitude, dans le prologue, la vedette n'apparaît pas. Alors, après, il y a un... Ah oui, vous avez des règles. Vous avez le prologue, nanana, le final, le pré-final, le tableau. Bon, disons, dans un spectacle, bon, disons, classique, parce que ça se fait à classique. Il n'est pas question que je fasse des révolutions. Parce que... Mais vous avez tout. Vous savez qu'il faut un beau tableau de nu. Il faut qu'il y ait un final enlevé, il faut qu'il y ait au milieu un tableau de grand costume. Ça, oui, il y a des lois, oui. Il y a des lois, ça, vous êtes obligé de passer par ça. Le tout, c'est de les adapter, mais il y a des lois. Si vous allez contre ces lois, alors à moins que vous ayez une imagination, je ne sais pas, que vous trouviez un truc complètement différent, mais si vous allez contre les lois du musical... Vous vous cassez la gueule. Le loi, si vous voulez dire loi, mon Dieu, dans aucun théâtre, il n'y a pas de loi. Mais, évidemment, on ne peut pas s'éloigner, on ne peut pas faire autre chose que le public espère. Le public qui vient aux Folies, probablement, il a eu déjà un écho par les parents qui sont venus il y a 20 ans, peut-être, ou 40 ans. Et s'ils ne voient pas la même chose qu'on leur a raconté, les parents, ils vont dire qu'il y a quelque chose qui a changé en plus mal. Je ne dis pas que le Folie Bergère, c'est le même spectacle qu'on a fait il y a 40 ans, mais la structure, ça reste la même chose. Ça veut dire un tableau, ça n'a aucun rapport avec les tableaux suivants. Et justement, c'est ça qui donne cette chose extraordinaire, que le public ne lasse pas. Il n'y a pas un sujet qui poursuit le spectacle, il n'y a pas une artiste qui joue tout le rôle principal. Il y a des artistes, des chanteurs, des danseurs, des danseuses, des mannequins, des femmes nues, des attractions, des numéros, des variétés. Il y a les danses, il y a les pantomimes, il y a le folklore. Donc, c'est un spectacle qui comporte tous les spectacles dans un seul. Non, ce qui m'amuse, c'est de créer une image qu'on n'a pas vue avant. Sur scène, s'il vous plaît. À la psychologie, le musical oppose ce que j'appelle la physicofolie. Marinetti. Musical égale ventilateur infatigable pour les cerveaux surchauffés du monde. Musical. Ça n'a pas commencé, le musical. Ça va commencer. Je pense qu'à l'heure actuelle, au musical, on peut mélanger tout. On peut tout proposer. Parce que l'avantage du musical, c'est le raccourci. Que les gens n'aient pas le temps de s'en rendre compte. C'est comme dans l'illusion. Et qu'on ne voit pas comment c'est fait. Ça m'ennuie quand on voit comment c'est fait. Il faut que ça soit pim-boum. Plein la gueule pour pas un rond. Les mecs le prennent et disent « Comment ils ont fait ?» C'est ça. On peut tout mélanger au musical. Question de rythme et une question des idées. Vous voyez, mais il ne faut pas les user, les idées. Il ne faut pas les exploiter. Le drame dans la danse, à l'heure actuelle, si vous voulez, c'est que il y a des grands chorégraphes. Ils trouvent une idée de ballet. Au lieu de faire 3 minutes, ils vous en font 7. C'est trop long. C'est difficile de faire un spectacle et d'étonner les gens. Et de les faire rêver. C'est très, très difficile. Vous voyez, avoir des idées modernes, tout en restant dans la tradition, dans la grande tradition. Qui dit revue, ça veut dire revoir. Ça veut dire revoir, revue. Donc il faut serrer l'actualité, il faut être d'actualité, il faut être de son temps. Et l'idéal, si vous voulez, enfin j'y arriverai, ça serait de faire un spectacle surréaliste. Attention, la régie d'avant se démarre là. Ok, tout le monde est en place, devant l'horizon voici. On démarre ça. それではですね、まあ、皆さん方のホテルはパリの北に位置しておるわけでしてね、もうパリのすぐパリを回ってオペラ座界隈ですとか、ないしはシャンゼリゼ通り、ないしはですね、サントノレ通り、サントノレ街道通りとか、リボリ 通りと言いますね。とても商業家の方々の特徴がありますのが、ミシュランの特徴です。ミシュランの特徴です。ミシュランの特徴です。ミシュランの特徴です。ミシュランの特徴Mais moi, je crois que les Japonais, ils ne demandent surtout pas du japonais. Ça dépend s'ils sont réveillés ou s'ils dorment. Comme ils arrivent directement d'avion, qu'on les propulse au château de Versailles, que l'après-midi, ils voient trois collections de couture, qu'entre-temps, ils courent acheter des parfums, quand ils doivent aller à des spectacles, qu'ils doivent se taper un spectacle, vous pensez qu'à minuit et demi, une heure, ils sont dans le coma. Les pauvres, moi, je le serais aussi. Moi, j'en ai vu au Lido dormir, mais dans les seaux de champagne, mais vraiment ronflant. They sleep normally. Oui, j'ai vu une dame japonaise qui applaudissait très fort, mais je crois que c'était une tradition, mais elle applaudissait mais sans se toucher les mains. Alors c'est bizarre. Elle faisait le geste d'applaudir, mais elle laissait un blanc. Alors c'est comme si elle applaudissait pas du tout. C'était bien pour la vision, mais pour le son, c'était très mauvais. Alors ils font des choses très curieuses aussi. Quand, mettons, il y a... Il y a un tableau dans Casanova, il y a des grandes traînes, des grands costumes qui arrivent. Si jamais il y a une traîne qui approche trop près en balayant le sol, et bien, ils se mettent immédiatement des mouchoirs sur le nez. De peur d'attraper des microbes. Alors, c'est curieux, alors, moi j'ai deux, trois personnes qui le savent, alors qu'ils font exprès, qu'ils foutent des grands coups de traîne sur la selle et tout le monde, pouf, tous les mouchoirs sont sur le nez. Odeurs des chaudes de la gaieté musicale légale, ventilateur infatigable pour les cerveaux surchauffés du monde. Saupoudrer les fauteuils d'une poudre qui provoque le prurite ou l'éternuement. Détruire toute logique dans les spectacles des musicals. Empêcher qu'une sorte de tradition s'établisse dans les musicals. Vous savez, les thèmes étaient à peu près les mêmes. C'était toujours les grandes amoureuses ou les diamants ou les pierres précieuses. Ça n'a jamais changé. La seule chose où j'ai travaillé vraiment dans un domaine musical, mais tout à fait différent, c'était à Tabarin. Par exemple, il y avait tout un spectacle qui était basé sur la maison. Alors, il y avait chaque pièce, c'était un tableau. Donc, par exemple, la bibliothèque, j'avais fait un décor qui était entièrement des livres en cuir rouge avec toute la dorure et un immense escalier, pont escalier comme ça, en livres. Et des différents ouvrages célèbres défilaient. Mais l'allée que ça sert, le grand escalier, immense rosaire qui vous mène jusqu'à Paris. Mensonge. C'est une tradition dans le monde, on descend l'escalier parce que ça n'oublie le mouvement. C'est très joli quand on arrive au l'escalier, descend, traînant derrière des plumes et des traînes. Je suis dans un tableau, il y a une femme qui descend l'escalier. J'arrive. Une fois elle arrive en bas, elle se monte et elle coupe complètement l'escalier. Puis je leur raconte mes histoires, puis je vois que ça porte, et ben je suis contente. Toujours le manteau royal que je fais dans chaque revue, ça fait des traditions de la maison. On attend toujours dans les revues laquelle, comment va être le grand manteau qui descend l'escalier. On va bien s'enivrer avec du champagne, on va bien s'enivrer. On va bien s'enivrer, on va bien s'enivrer, on va bien s'enivrer. Et Dodor s'envola, et Cécile, empanachée de la tête aux pieds, abritée sous un parasol de plumes que portait un magnifique athlète noir, descendit superbement l'escalier d'or. L'ai-je bien descendu? Viens la douche, viens. Faire une surprise. Faire une surprise, la fille. Ici, c'est la sortie de sécurité. Del Mayor. C'est la rue Faubourg Saint-Denis. Sortir de sécurité. Ça, c'est la chauffage. La chauffage. Les filles! Linda! Mon amour! Tu fais la douche? Hein, ma pousse? Ouais. Tu fais la douche? Ouais. Après, personne. Et là-bas, Héloïse replie sa robe et se met toute nue. Son crâne est blanc et laiteux, ses seins louches, ses jambes grêles, ses dents font un bruit de papier. Elle est bête. Et voilà bien l'épouse d'Abélard Le Châtré. Attention mon fossile, hein. Attends, je vais la boire. Un boule blanc. Oh non, mais non. Il y a limite. Quand même, il y a limite. Coucou, viens. J'ai commencé ma carrière à une époque où les femmes étaient déjà minces. Elles n'avaient plus ces énormes hanches, ces énormes seins, ces énormes derrière qu'elles avaient au début du siècle. Là, ça devait être très difficile. À cette époque-là, d'abord, il n'y avait pas de nuit encore. C'était des maillots chers. Même la fameuse danseuse nue, Trohanova, elle était nue avec un maillot couleur chair. Moi, j'ai commencé pendant la guerre de 14. Hein. C'était hier. C'est-à-dire, j'ai commencé petite femme de revue. Alors, il y avait un peu de nu, demi-nu. Tandis qu'avant, quand j'ai commencé, moi, on ne pouvait pas. C'était presque interdit de se mettre les jambes nues. C'était en portant le maillot. C'était interdit. Puis alors après. Ça a commencé. Attendez. Il y a une dame vraiment avec laquelle. Qui a commencé à faire du nu. J'ai travaillé avec elle à la Gaîté Rochechouart. Elle s'appelait Madame Germaine Mitty. Elle était avec comme partenaire un danseur, Tilio. C'était un numéro de danse, enfin acrobatique, presque nu. Voilà un demi-nu, justement. C'est plus qu'un nu, parce que le costume consiste en une peau de caoutchouc, faite en caoutchouc, couleur chair, qui est découpée sur les muscles. C'est facile à porter. Je ne crois pas. Mais elle le portait quand même. Le nu est venu aux Folies Bergères après la guerre. Parce que dans les premiers tableaux que j'ai fait aux Folies Bergères, c'était en 18, je crois, ou 19, il y avait déjà du nu. Parce que ça, je me souviens, j'avais fait un tableau à fond de mer. Vous savez que c'est infiniment plus difficile d'habiller des femmes nues que des costumes de ballet ou d'opéra. Parce qu'il faut trouver quelque chose pour entourer le nu. Ou bien il faut trouver un détail très amusant qui, dans la coiffure, un petit cache sexe, mais on peut mettre un tas de bijoux sur les bras tant que vous voulez. Ou bien de trouver une espèce d'encadrement, c'est-à-dire un immense manteau qui peut commencer de la coiffure, qui peut commencer des bras, enfin former un objet dont le nœud est le centre. Voilà. Elle est sexy, bambou, comme ça, mon Dieu, elle est sexy. Oh, bambou, tu es belle, tu es jeune, ma bambou, ma mia. Tu es belle, tu es jeune, tu manges bien, qu'est-ce que tu veux? Le nu, il est intégral ou il n'est pas intégral, parce que s'il n'est pas intégral, c'est pas du nu. Miko, Miku. L'obscénité que laisse entrevoir les corps nus d'une jolie femme émeut dans la mesure où elle est obscène, où elle donne de l'angoisse mais ne suffoque pas, où son animalité répugne sans excéder néanmoins les limites d'une horreur que la beauté rend à la fois tolérable et fascinante. Quand on pense que Lily Ponce était quand même une petite femme nue du Mayol, c'était quand même en Amérique une grande cantatrice. C'était formidable. Vous avez, Monsieur Fernandel n'a jamais oublié qu'il avait été au Mayol. Nous avons eu Jeanne Aubert, nous avons eu Rému, nous avons eu Henri Decker, Yvan Chiffre. La dernière en nom, c'est Bessrami. On fait ce qu'on veut. J'étais d'abord vedette au concert Mayol. J'étais avec Charpigny, Brancato, enfin un tas d'artistes de ce moment-là. Et ça a été déclaré en faillite. Le Mayol ne flanche plus et reprend du poil de la bête. C'est que c'était un nom, le concert Mayol, à ce moment-là. C'était un grand nom, hein. Vraiment. Le Mayol existe depuis 1800. Oui, exactement. Ça a fait 107 ans. Et nous fêtons jeudi le 107e anniversaire du Mayol. Ça a commencé par un couvent de bonnes sœurs. Non, Mayol, c'est le concert Mayol, il n'y a rien à faire. On voit des femmes nues au concert Mayol, on le sait bien, voyons. On peut faire des petites choses artistiques autour des femmes nues, mais il faut quand même que ce soit comme ça. Ce soir, c'est moi. C'est moi qui ai fait la revue. À mon avis, j'ai fait une revue très rétro. Alors moi, j'avais monté une opérette à moi, qui s'appelait Buenos Aires. Moi, je me suis dit, ça n'est pas bien, ça, pour Paris, Buenos Aires, ça va pour les tournées en province. Alors j'ai intitulé ça « Esclave d'amour ». Alors ça a été une chose formidable, parce que J'ai fait faire des affiches. C'était au moment où les croix de bois avaient un gros succès, vous savez, au cinéma. Alors moi, j'avais fait mettre une grande croix sur mon affiche, une femme nue dessus, et toutes les femmes qui montaient avec des croix de bois. Alors j'ai eu presque un procès. Le journal La Croix est arrivé. Ils m'ont fait dire que si je ne retirais pas mes affiches tout de suite, on me faisait mettre en prison, on faisait fermer le concert Mayol et tout ça. Affolée, je demandais qu'est-ce que je vais faire. Alors, j'ai tenu 8 jours. Enfin, au bout de 8 jours, il a bien fallu que je les enlève. Alors là, j'avais trouvé un autre truc. J'avais fait faire des affiches. Un esclave d'amour. Et alors, à 10 heures, l'hallucinante vision des esclaves nus crucifiés. J'aime mieux vous dire que ça m'a fait marcette. C'était triché, mais enfin, c'était pas mal. Ce que je remarque maintenant, c'est que les groupes qui viennent, eh ben, les femmes n'ont plus honte de venir avec leur mari voir le spectacle du Mayol. Tout en faisant du nu intégral, j'ai voulu tout faire sans pudeur. Le nu intégral, un nu, les nus les plus osés. Je me demande ce que c'est que ça. Comment peut-on oser un nu plus osé? Un nu, c'est un nu, puis c'est tout. C'est plus artistique. Et un nu artistique, qu'est-ce que c'est? Ah ben, ça, un nu artistique, vous savez, hein. Vous savez, pourquoi vous me dites un nu artistique? Mais c'est formidable. Une femme qui se déshabille, ben ça dépend de comment elle se déshabille. Elle peut se déshabiller et qu'elle vous fasse plaisir, ou elle peut se déshabiller de n'importe quelle façon et puis que ça ne vous fasse pas plaisir. Il faut que ce soit artistique, son affaire. Il y a une nuance, se foutre à poil, c'est une chose, mais il faut savoir mettre les gens à poil. C'est un art qui n'a pas de déontologie, en somme, quoi. Qu'est-ce que c'est que le music hall, hein? C'est un peu ce que chaque créateur de music hall veut y apporter, hein. Au Folies Bergère, il n'y a pas de nu intégral, ni femmes, ni hommes. Elles ont toujours ou un bracelet ou un couron sur leur tête, au moins. Le nu intégral, c'est pas nécessaire, ils viennent pas chercher ça ici. Ils viennent chercher de belles filles à regarder, de jolies filles. Et les nues, elles sont si belles qu'elles sont presque plus habillées que les autres, et pourtant elles sont nues. Ok, le début s'il vous plaît. Ici au Crézy, la loge est commune, hein. Il y a 20 danseuses qui sont à peu près nues dans leur loge. Hein, elles gardent juste une petite pointe, un petit slip, ou alors une serviette autour des reins. Alors si on laissait des visites, ça... Alors, on est toutes nues. Le canard qui rentre dans la loge. Alors, les nattes mignonnes comme ça, sans fossiles. Il y a le canard qui s'en va. Tu veux en mettre des fossiles? Ah bon? Avant, je n'étais pas là. Et vous avez des œufs? Ah oui, il y en a. Il y a des special dresses. Tu ne pas. En tout cas, tu as des beaux petits œufs. Le striptease est fondé sur une contradiction. De sexualiser la femme dans le moment même où on la dénude. On peut donc dire qu'il s'agit en un sens d'un spectacle de la peur, ou plutôt du « fais-moi peur », comme si l'érotisme restait ici une sorte de terreur délicieuse, dont il suffit d'annoncer les signes rituels pour provoquer à la fois l'idée de sexe et sa conjuration. Seule la durée du dévêtement constitue le public envoyeur. Mais ici, comme dans n'importe quel spectacle mystifiant, le décor, les accessoires et les stéréotypes viennent contrarier la provocation initiale du propos et finissent par l'engloutir dans l'insignifiance. On affiche le mal pour mieux l'embarrasser et l'exorciser. Quelques atomes d'érotisme, désignés par la situation même du spectacle, sont en fait absorbés dans un rituel rassurant qui efface la chair aussi sûrement que le vaccin ou le tabou fixent et contiennent la maladie ou la faute. On aura donc dans le striptease toute une série de couvertures apposées sur le corps de la femme au fur et à mesure qu'elle feint de le dénuder. La fin du strip n'est plus alors d'expulser à la lumière une profondeur secrète, mais de signifier, à travers le dépouillement d'une vêture baroque et artificielle, la nudité comme habit naturel de la femme, ce qui est retrouvé finalement en état parfaitement pudique de la chair. On peut dire que j'ai amené à notre époque le nu moderne. On faisait un nu qui était hypocrite et incertain, totalement dérisoire. J'ai pensé qu'on pouvait faire du nu un véritable, non pas art peut-être, mais enfin de la véritable création avec le nu, comme les peintres l'ont fait avant moi depuis 1000 ans, hein, et les sculpteurs depuis 3000 ans. Si vous aviez parlé à n'importe qui en 1951 de striptease, il aurait ouvert des yeux énormes, il aurait dit, je ne vois pas ce que vous voulez dire, expliquez-moi. Hein. C'est moi qui ai apporté cet néologisme à l'Europe. Et quand j'ai lu la première fois qu'une forme d'art, qui s'appelait en Amérique d'ailleurs art, A-R-T, tout court, parce que c'était l'art le plus dépouillé, puisqu'on n'avait ni texte, ni décor, on était obligé de faire tout soi-même. Hein. C'était l'art du striptease ou du burlesque, on appelait ça en Amérique. Alors quand j'ai découvert que cet art existait, je l'ai découvert un jour par hasard en ouvrant une revue américaine, j'étais moi-même totalement fasciné. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ça? On parlait d'une fille qui s'appelle Lily Saint-Cyr, qui à Montréal donnait un show elle-même, un one-woman show, et elle était 45-50 minutes en scène, et elle faisait de son corps et de sa personnalité un spectacle. Je dis, mais c'est la plus belle chose du monde qui existe. Le spectacle... Oui? Oui, oui, rentre! Oui, alors donc, au niveau du spectacle... Comment au départ, hein? Comment? Moins fort la musique. Moins fort la musique. Moins fort la musique, hein. Qu'elle puisse entendre. Cambre bien au départ. Voilà. Reste bien cambré, hein. Profil très important, cambré, hein. Cambré, profil. Sur place. Reste bien cambré de profil, hein. Pousse maximum, hein. Voilà. Visage totalement droit sur l'épaule. Bien cambré. Le dos, c'est pareil, hein. Bien cambré. 5, 6, 7, do. Cambre. Oui, maximum. Mais les doigts et les dents. Hein? C'est très bien. Elle est très douée parce que... Merci. Top. Et waouh! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. But please. Oh, did you get the wrong ID? Avec le gauche, premier. ID. Oh, don't you get the wrong ID? Non, c'est la bon ID. Oh, don't you get the wrong ID? 3, 4, 5, 6, 7 et 8. C'est une petite chassée, de chassée. Comment une fille vient au nu dans une famille? Les filles qui viennent en nu, d'abord, ce sont les rigolotes, les numéros. Elles abandonnent le troupeau, elles veulent quitter le troupeau, elles veulent quitter la famille, parce qu'elles en ont marre, elles ont 18 ans. Alors, la seule solution, c'est de faire du musical. On n'est pas les stripteaseuses ici, c'est tout. Quelqu'un me dit, oh, tu fais le striptease? Je dis, non, pas du tout. Je ne pouvais pas le faire. Et c'est mes parents qui m'a dit, vas-y. Colette, quand elle a quitté Willy, vous savez ce qu'elle a fait, Colette? Eh bien, elle s'est présentée à l'Olympia, qui à l'époque était un musical. Et puis elle s'est tendue avec le directeur de l'Olympia. Elle lui a dit, je vais vous montrer un numéro nu qu'on n'a jamais vu auparavant. Elle avait 30 ans, elle était courte sur pattes, hein, elle a la peau noire haute, comme une bourguignonne qu'elle était. Elle a monté le numéro du papillon. C'est-à-dire qu'elle avait des grands voiles avec deux bâtons au bout. Et elle faisait le papillon. Et il paraît qu'elle arrivait à peine à décoller du sol, qu'elle était un peu grosse. En plus, elle n'était pas danseuse. Quoi. Et donc, c'était les deux numéros de Colette qu'elle faisait en nu intégrale, tout ça. Allons, c'est mon tour. Je roule autour de moi d'une main que le trac rend nerveuse. le voile qui constitue presque tout mon costume. Un voile rond, violet et bleu, qui mesure 15 mètres de tour. Elle est partie en chassé, là. Je ne distingue rien, d'abord, à travers le fin treillis de ma cage de gaz. Mes pieds nus, conscients, tâtent la laine courte et dure d'un beau tapis de Perse. Hélas, il n'y a pas de rampe. Un bref prélude éveille et tord la chrysalide bleuâtre que je figure, délie lentement mes membres. Peu à peu, le voile se desserre, s'enfle, vole et retombe, me révélant aux yeux de ceux qui sont là, qui ont eu pour me regarder leur enragé bavardage. Voilà les photos, vous voyez, j'ai des tas de photos là aussi. J'ai fait toutes sortes de choses dans les revues, dans le temps. Danser, chanter. Je danse. Un beau serpent s'enroule sur le tapis de Perse. Une amphore d'Égypte se penche, versant un flot de cheveux parfumés. Un nuage s'élève et s'envole, orageux et bleu. Une bête féline s'élance, se replie. Un sphinx, couleur de sable blond, allongé, sa coude, les reins creusés et les seins tendus. Alors, c'est déjà, même en répétant, faut déjà que tu... Ça ne change rien si c'est nu ou si c'est pas nu. Moi, j'adore le spectacle, j'adore danser, et c'est ça. Ça pose aucun problème au début de danser nu? Non, pas du tout. Absolument aucun. Non. C'est un gynécée, c'est le domaine des femmes. Les filles sont chargées d'envoyer, non pas un message, mais de faire un contact avec le public. Si on emploie les procédés du nu traditionnel, c'est grossier, c'est pas possible. Donc il faut employer des procédés beaucoup plus subtils. Et si on essaie d'envoyer des signes comme ça, que les gens ne savent pas qu'ils ont reçu. C'est pourquoi au fond la régie c'est important, c'est l'atelier du magicien. C'est tout, mais tout. Et c'est pour ça que je souffre ici, moi, parce qu'avec cette petite scène, je ne veux pas mystifier le public comme je voudrais. Parce que le cabaret c'est mystifier, c'est ça. C'est la mystification du public. C'est faire rêver en mystifiant, voilà. C'est tout. On prend une fille qui est belle, qui est pas mal, bon, etc., qui est un peu petite. Il faut que sur scène, elle paraisse une sorte de déesse immense, 1m90. La femme qu'on n'a jamais vue avant. Ce qui est beau, c'est que ça épouse totalement le corps, la projection. C'est fantastique, c'est comme un, ce qu'on appelait une robe de peau, en somme. Et ça embellit le corps des filles de façon extraordinaire. Même les filles qui ont un joli corps sont bien plus belles. Puis ça enlève tous les défauts, ça gomme tous les défauts. En somme, ça trame, oui. Je veux que la peau garde sa transparence, hein, ça c'est important. Mais malgré tout, pour que la lumière prenne bien sur le corps, il faut un peu de make-up. De fond de teint, c'est-à-dire. On se sent habillé avec le fond de teint. Ah oui. Ah voilà, elle a bien dit Norma. On se sent le habillé. Maquillage, hein. Habillé. Oui. Oui, si j'ai pas... Je ne peux pas travailler, hein. J'ai honte. Ah, c'est vrai, vrai. Ah, ouais. En somme, on les peint comme des petits... comme des Modigliani, voilà. J'essaie qu'elles soient des petits Modigliani sur scène. Voilà. C'est mon critère. Voilà, cette couleur un peu ambrée, hein, le pubis tout noir, le pubis en somme symbolisé, quoi, hein, un triangle, la frange, le front garni de franges, les pommettes un peu rouges, et les paupières un peu vertes. Vérification en maquillage. Numéro 7. Ok. Ça va? Ça, c'est toujours ok. Ça va? Ok. Attends, je vais mettre mon collier. Ok, le dos. 3. Ok, 4. Ok, 5. Voici Nazier Edison avec la voix d'un commissaire priseur. Voyez, ici repose la ceinture de Vénus, l'écharpe des grâces, les flèches de Cupidon. Voici d'abord la chevelure ardente de l'Hérodiate, le fluide métal stellaire, les lueurs de soleil dans le feuillage d'automne, le prestige de l'ombre vermeille sur la mousse, le souvenir d'Ève la blonde, l'aïeule jeune, l'éternellement radieuse. Ah, secouer ces rayons, quelle ivresse, hein? Et il secouait en effet dans l'air une horrible queue de natte postiche et déteinte où l'on voyait des fils d'argent réapparaître, des crépés violacés, un sordide arc-en-ciel de poils que travaillait et jaunissait l'action des acides. Voici le teint de lys, les roses de la pudeur virginale, la séduction des lèvres mouvantes, humides, pimentées de désir tout enflammées d'amour. Et il alignait sur un bord circulaire de la muraille de vieux étuis débouchés remplis d'un cosmétique rouge, des pots de gros phares de théâtre de toute immense, à moitié usés, des boîtes à mouches, etc. Voici la grandeur calme et magnifique des yeux, l'arc pur des sourcils, l'ombre et le bistre de la passion et des insomnies d'amour, et puis les jolies veines des tempes. Le rose des narines émues qui respire vite, toute haletante de joie en écoutant le pas du jeune amant. Et il montrait des épingles à cheveux noircies à la fumée, des crayons bleus, des pinceaux à carmin, des bâtons de Chine, des estompes, des boîtes de colle, de Smyrne, etc. Vous êtes toute nue, vous êtes toute nue. Sont habillés de fond de teint, de musique, de tablier de musique, parce que quand on a une musique, on peut danser et on danse librement avec joie. Allô, cher Maurice, nous vous écoutons. Paris. Allô, Paris, RTS Paris. Jean-Moi. J'ai fait la connaissance de Colette en 1906. Colette Willy était une femme d'une trentaine d'années à cette époque-là, trapue, mais très joliment trapue, une fille, ce qu'on appelle bien en chair, avec un visage de joli renard. Elle était réellement très, très attrayante. Et dans cette pantomime qu'elle faisait, il y avait quelque chose qui se produisait, qui était très nouveau pour l'époque et qui était très, très fort pour l'époque. Il y a un moment, dans une lutte avec Georges Bague, son corsage se déchirait et apparaissait un sein nu à la salle. Et comme c'était la première fois que ça arrivait, c'était un peu scandaleux, mais merveilleusement attractif. Ça, les seins qu'il avait démérités qu'aux yeux de Julie. Ils sont un brin plus méduse que demi-pomme à présent, jugea-t-elle. C'est pas vrai, ils n'ont pas tout la même poitrine, mais c'est une question de costume, de scène et d'éclairage surtout d'éclairage. Que dès qu'on allume, c'est rempli. Vous voyez, c'est rempli. Les poitrines remontent immédiatement. Ce sont les éclairs par en dessous. Hein? Vous transformez les corps. Oui, on essaie de les transformer. Oui, on les. Voilà, on les transforme. Bonjour, bonjour, chérie. Vous êtes très belle aujourd'hui. Vous êtes venue. Brun et sec, ballant en mesure, jambes de chèvre menant une danse de ciseaux, elle évoluait sur le chêne ciré comme les araignées d'eau, sur le thym des étangs. Je fais presque tous les numéros, sauf les legs parce que mes jambes sont trop longues. Quand elles ont les jambes courtes, on peut rehausser leurs jambes par des bottes, des chaussures, cacher tout ça par des pantalons, par des... Bon, bref, sans que le public sache qu'elle est rehaussée, elle devient une femme nouvelle parce qu'elle a les jambes, c'est-à-dire la partie entre la cheville et le genou, immense. Donc, des filles qui ont des très très longues jambes, ça fait un effet de bande dessinée. Vous voyez ? Parce que les dessinateurs, t'as remarqué, ils font toujours des filles qui ont des très longues jambes. Évidemment, quand les jambes sont courtes, quand j'avais fait des choses avec des japonaises, il fallait truquer, il fallait bien habiller les jambes. Et puis, par exemple, Cécile Sorel, elle avait également les jambes courtes. C'est pour ça qu'on lui faisait d'énormes crinolines. Elle surgissait de là, elle paraissait merveilleusement bien proportionnée. Quel friand petit pied vous avez là, madame, lui dis-je en avançant ma chaise. Les pieds des danseuses, c'est pas ce qu'il y a de plus beau. Ça, c'est super. Très vilain, hein. Pieds de danseuse, c'est pas beau. Ils travaillent trop. Squelette. Oui, mais elle n'est pas une vraie danseuse, c'est une danseuse de gogo. Une danseuse comme Sophia ou comme Polly qui ont fait des études classiques, qui ont dansé à l'opéra et tout ça, et qui ensuite ont fait du moderne, elles ont des pieds trop musclés et ramassés sur eux-mêmes. Non ? Pas de jolis pieds, Sophia. Non, j'ai pas de jolis pieds. Je cache toujours. Ouais. Travaille à talons plats, parce que sans chaussures, parce que ça va énormément te changer quand tu vois. Pieds nus, ah oui, ça c'est un humour à faire pieds nus. Tu veux pas être une peau rouge et avoir des chaussures à talons hauts comme à Berlin en 1930, non? C'est pas le style peau rouge, ça, à Berlin. Hein, ça donne même notre style aux passes, en fait. Bah, évidemment. Hein, tu fais le double? Donne un petit peu de lumière, tu veux, blanche, là, qu'on voit un peu clair quand même. Voilà. Ok. Bon, vas-y, t'envoie le... T'envoie la musique, Jean. Ça, il faut voir ça en costume. Le costume sera fabuleux. Hein. Partout des bracelets, partout des bracelets. Plume, si, plume, oui, deliciosas plumas de azufre, río de plumas arrastrando cabezas de mármol, delicieuse plume de soufre, fleuve de plumes entraînant des têtes de marbre, plume sur la tête, chapeau de plume, colibris et framboises, desde elle, caen hasta el suelo los cabellos anaranjados de auxilio, lisos de nylon, nylon noué de ruban rose de clochette. Desde él, a los lados de la cara, de las caderas, de las botas de piel de cebra, hasta el asfalto, la cascada albina y auxilio, rayada, oiseau indien derrière la pluie. Pájaro indio detrás de la lluvia. Tiens, il n'y avait pas les hoods dans. Pourquoi il n'y était pas? Pourquoi il n'y était pas? Mais on va y voir son costume parce qu'il y aura. Les plumes qu'ils ont sur la tête, elles seront au contraire dans le dos, au bas des reins. Et là, elles ont une vraie perruque d'indienne, mais très, très moderne à la fois. Alors le tempo est donné par le pied qui frappe sur le troisième temps. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Pour peindre Marguerite, il faudrait un stylo rose. Vous voyez ma morphologie? J'ai pas la morphologie d'une danseuse classique. Alors je me suis dit, bon bah mémé, il faut que tu prennes des chaussons, tu les mettes dans un placard et... Il y a... J'ai du noir sur le nez? Il ne se presse pas pour répondre. Non, mais c'est bizarre, quand on ne vous a vu que le soir, on ne croirait jamais que vous avez les yeux gris. Ils paraissent bruns à la Seine. Oui, je sais, on me l'a déjà dit. Vous savez, Amon, l'omelette sera froide. Adieu, monsieur. La loi du spectacle, hein, vous devez vous trouver à la même distance que l'ouverture de la scène. Comme ça, l'œil couvre toute la scène, hein. Pas trop loin, parce que il faut quand même pouvoir avoir le contact, voir les yeux, oui, parce qu'on regarde beaucoup le visage des danseuses, quoi qu'on en pense. Hein. Le visage, ça compte beaucoup. Vous verrez comme Marianne est belle, vous verrez comme quand elle est maquillée, quand elle est en costume. Hein, et vous verrez comme Sophia aussi, comme Norma et comme Polly sont ravissantes. Et vous verrez la couleur de leurs yeux, là, 4 mètres. Très important. Hein? Il y a des gens qui nous regardent, mais on se sent seul sur scène, à faire notre travail, à se sentir libre. C'est pas la même chose que si on voyait tous les yeux. Il m'a vu nu, oh, toute nue, oh, sans gastrus ni soutien machin, j'en ai rougi au vaccin. Il m'a vu nu, oh, toute nue. Alors, Miss Fanette, c'était encore autre chose. C'était vraiment le musical, là. Elle était extraordinaire. Une présence, elle avait une présence en scène. Elle avait un regard qui, tout de suite, qui prenait tout le public. Son regard traverse toute la salle et hop, tout le monde est pris. Je rentre en scène, je descends mes grands escaliers. Ah, je me sens belle. Je suis belle, je crois que je suis belle. Bon, puisque je le crois, ça suffit. Et je me commence ma chanson. Je vois une dame qui s'essuie. Je dis, tiens, la chose, celle-là. Son mouchoir, la chose. Pas du tout, elle pleurait. Alors, ça m'émotionne. Je me mets à pleurer aussi. Je peux continuer ma chanson, je pleure. Alors, je demande pardon au public. Je dis, je demande pardon, je suis un peu incommodée. Je suis un peu, j'essuie mes yeux, mais ça va revenir. Le temps d'aller jusqu'à mon escalier, j'étais bien, puis je la regarde plus. Et je m'en vais, je chante ma chanson et je fais mes gestes et je suis gaie. Je m'en vais, c'est fini. J'étais plus malade. Avant, j'étais là comme une abrutie, debout, et puis je pouvais plus parler. Eh ben, qu'est-ce que c'est que ça? C'est une maladie. Les artistes sur scène ne voient pas les spectateurs. Combien de rangs peut-être, mais pas bien. De toute façon, les premiers rangs sont toujours garnis obligatoirement au crazy de couples, de femmes, d'hommes, etc. On ne met jamais, mais c'est une loi ici, dans toute la première, ce carré là qui est devant la scène, on ne met jamais des hommes seuls, par exemple. Si jamais il y a un groupe de trois garçons seuls, on ne les met jamais dans ce carré là. Quand on a des Japonais, alors eux, ils ont le droit, tu vois, à partir du fond. Parce qu'il paraît que pour les danseuses, c'est absolument effrayant de voir des Japonais, au premier rang. Oui. Alors les pauvres Japonais, heureusement, ils ne comprennent pas, ils ne sauront jamais, mais ils sont toujours dans le fond de la salle. もうすぐ近くでございます。モンマルトルの丘のふもと、こちらの方、ピガール街でございますが、ピガール街の方はまた後で通ることにいたします。 Les yeux gris de Coco Vatar disaient à Julie combien elle souhaitait qu'elle fût enfin gentille. D'un regard, d'un gonflement des narines, elle le lui promit. Est-ce qu'il y en a qui apportent des jumelles ici? Oui. Très gentil. Oui, il y a un fou. Non, il y a un fou. Non, il y a un fou. C'est un fou. C'est un fou, il vient une fois par an, il vient le soir du jour de l'an. Et il est vraiment fou, il se met au premier rang. Et l'année dernière, on l'a vu, il avait une paire de jumelles de course énorme au premier rang. Oh, il était fantastique. Il est tellement content de regarder le spectacle et envoyer. Oui, il avait envoyé une gerbe de roses merveilleuses. Non, mais c'est le fou, quoi. Un peu, mais... Premier rang. Alors peut-être, ou alors il est maso, et puis il regarde, je crois, de l'autre côté, on voit, hein, de l'autre côté de la jumelle, par le petit trou. Voilà. C'est ça. Nudité. Pour ne pas voir la femme qui se déshabille derrière lui, un homme agenouillé sur un dessin de topor a les mains devant les yeux. Des clous traversent ses mains et lui crèvent les yeux. Il s'appelle peut-être Oedipe. Il crie. Spectateur, je vais te raconter ce soir l'histoire d'une sirène qui naviguait dans les eaux du Danemark et de la Norvège. C'était une sirène qui n'était pas danoise, celle-là. C'était une sirène norvégienne. Un jour, une mignonne petite sirène, sans l'autorisation de ses parents, alla combattre dans les eaux du Danemark. L'histoire que nous allons vous conter, vous allez la vivre avec nous. Un pierrot de lune passait sur la plage, jouant de sa flûte. « numéro que je voudrais bien faire. Ça, c'est avec les dauphins. Dans l'eau. Ça. Tu sais, ma mère, elle a écrit à des gens une fois pour dire que sa fille voulait bien le faire. C'était trop tard, il y a déjà quelqu'un qui l'a fait. C'était en Angleterre, oui. Pour nager, c'est tout, en dessous de l'eau. Si on peut garder la respiration pour longtemps, ça va. C'est joli, on fait les Ludmila a chu au milieu du filet parmi les poissons. Elle les sent qui lui frôlent la chair avec une molle continuité qui se coule entre ses jambes, qui lui cure les oreilles, qui lui lèche les joues et les organes de la génération. Il y en a de longs et fourbes, avec des ouïes équivoques en forme de ventouses, d'autres épais, avec d'informes nageoires indignes de l'époque quaternaire, d'autres encore. Quand j'utilise les femmes nues, c'est toujours raison. Mais moi, je ne suis que le fils de la femme poisson. Un tableau qui représente le fond de la mer, je ne pourrais pas mettre les femmes habillées en costume ou de manteau de fourrure, ni en tenue de ski. Vous comprenez? Dans un autre tableau qui s'appelle Le Fontaine d'amour, c'est une immense pièce d'eau où les statues des femmes y sont représentées par les femmes nues. Elles reçoivent de l'eau tous les soirs, l'eau tiède. On ne peut pas habiller non plus, alors c'est une raison valable pour que ce soit nu. Je ne fais pas des femmes promener sur le grand boulevard nu avec un ombrelle dans la main ou un éventail, comme on faisait d'autres fois dans le petit music hall. Et maintenant, mesdames et messieurs, vous allez pouvoir assister à l'intérieur de ce chapiteau à une exceptionnelle et extraordinaire représentation. Vous pourrez y voir la pétrification d'une trop naïve sirène que l'innocent Pierrot a fait venir jusqu'à nous. Il semble que le regard ouvre les ailes de la nudité. Plume, si. Les plumes, ça l'abrutit le public. Eh bien, il regarde, il dit, oh, tiens, c'est bien, ou c'est moche, ou c'est beau, ou c'est pas beau. Et puis c'est tout. Mais après, il faut le prendre. Eh bien, je le prends. Ah, le public. Le public. C'est merveilleux. Vous êtes les gens devant vous qui vous regardent, vous êtes là. Vous allez vers le public. Vous connaissez les gens dans la salle, ça va, je dis merveilleux, non? C'est ça. Il faut être simple. Il faut être direct. Eh bien, je le prends. Que la grande nuit s'inquiète et quelle joie de pouvoir vous inviter à chanter en compagnie de la reine des Beuglans, reine des musicaux, l'immortelle créatrice de la Java bleue, Madame Frêle. J'avais rêvé de prendre un homme, la Java bleue. Frédéric, tu peux te pousser? Je vois. une revue, c'est une chose très difficile. Il faut être sur scène, il faut être là. Il faut voir le public. Il faut sentir le public. Miss Tinguette, je viens de voir, les titis sont en haut. Ça va, les titis, le premier noir, ça va. Mais qui dit ça maintenant? Plus personne. C'est les premiers noirs qui ont fait les stars. Les premiers noirs, c'est ça qui ont fait. Et c'était à eux, c'est ça va, toi, ça va. Ils ont emporté des fleurs, ils sont venus, et ça va, patati, ceci, et cela. C'est ça qui est merveilleux. Mais ça n'existe plus maintenant, c'est fini ça. Les vedettes d'autrefois, ça existait. Maintenant, les vedettes, ça n'existe plus parce qu'il n'y en a pas de vedettes de musical. Tu m'excuses de le dire. Avant, il y avait des stars, superstars. Je vous ai fini une superstar. Miss Aguette, une superstar. Aline Renaud, c'est une star. Maintenant, nous engageons 3 ou 4 femmes et nous partageons les tableaux par plusieurs femmes, puisqu'il n'y en a pas une seule qui est extraordinaire. Alors, on cherche 4 femmes très bien, et dans chaque femme, le public, il trouvera ce qu'elle aime. Mais ce sont des vedettes fabriquées, pas par le public, par les directions de Folies Bergère ou votre direction de Music Hall. Mais... Un vrai homme. Vous connaissez un homme vrai pour moi? Non? Oh, vous êtes stupide. Alors, hein? Regardez dans la salle. Un homme vrai qui se fait voir. Viens, viens. Viens ici à la lumière. Que toutes mes amies te voient. Oh, qu'est-ce qu'il est gentil, qu'est-ce qu'il est beau. Viens, viens. Donc ça va être très chat ça. Stop, merci. Stop, merci. Il y a une fille qui dit champagne, elle est là, elle dit champagne. Champagne, oh, elle se moque d'elle, c'est vrai. Champagne, oh, elle se moque d'elle et tout le temps. Elle se moque toujours des autres, elle est toujours là, très sûre d'elle et très chatte, tu vois, très... Moi, je cherche un homme vrai, tu vois. Oh, regardez, un homme vrai qui se fait voir dans la salle. Au premier rang des fauteuils d'orchestre, ma myopie ne me défend pas d'apercevoir, raide et sérieux, avec ses cheveux noirs qui brillent comme la soie d'un huit reflets, Monsieur Dufferin Chotel Cadet. Prenez vos couteaux à poisson, spectateurs, lorsque vous voyez arriver, oui, la pieuvre, cette immense pieuvre qu'aspirent encore aujourd'hui les grands cargos, les avions disparaissent dans le triangle des Bermudes, la pieuvre est toujours vivante. Et maintenant, je vais vous présenter les rescapés. Dans leurs yeux se lise l'horreur. Le premier se buffle. Regardez-le. Le buffle qui fut étranglé par la pieuvre. Il n'est pas encore revenu. Lui, c'est Fifi. Lui, c'est la blette. Lui, c'est Monte Cristo. Et lui, qu'est-ce que vous avez fait? Je vous ai dit d'enlever les vernis quand vous venez sur le plateau. J'ai dit que les naufrages de la Méduse n'avaient pas de vernis. Allez-y, soignez-les, surtout faites-les disparaître, car je voudrais quand même que tous ensemble, nous dansions. Vraiment un coup de flotte. On a fait une représentation de merde. J'aime pas bien, j'aime pas quand on fait des représentations de merde. Moi, je sais quand c'est de la merde. Je suis orgueilleux. Et je veux que les gens qui viennent de là, je veux les traiter royalement. Donc je veux qu'ils jouissent. Je veux tous les problèmes et toutes les emmerdes que j'ai, ils sont là pour les ignorer. On travaille en fonction d'un public. On est là pour faire plaisir au public. On n'est pas là. On n'a pas de message à envoyer. Moi, les messages, j'y crois pas. Mais moi, je suis là pour amuser des gens qui me font confiance et qui m'apportent leur pognon, qui me permettent de vivre et de réaliser mes idées. Ah, c'est ça, le capital. Vous voyez, le reste, c'est les conneries. Le reste, ça veut rien dire. C'est pour ça que j'ai cette passion du cabaret et du music-hall. Parce qu'il y a c'est pas sacré. Alors, de toute façon, ici, on désacralise tout. Moi, j'ai... Si vous voulez les messages, il faut les glisser. Comprenne qui pourra et comprenne qui veut. Vous voyez, vous avez Guy Ligier qui est là. C'est une formule numéro un musicale. On ne peut pas faire de meilleure comparaison. J'ai la plus belle carrosserie de Paris. Il a fallu quand même la fabriquer. J'ai le plus beau moteur parce que j'ai les meilleurs artistes. Je prétends que j'ai les meilleurs artistes parce que ceux qui sont ici, je sais pourquoi ils sont là. Maintenant, il y a une question de réglage, de mise au point. Le résultat, c'est de faire plaisir aux gens. C'est pour ça que c'est des beaux métiers. C'est des métiers de passion. C'est des métiers de passion parce que c'est vraiment toujours l'imprévisible. Alors, il y a les soirs à miracle et puis il y a les soirs sans miracle. Mais c'est quand même honteux au paradis de ne pas faire un miracle tous les soirs. Vous voyez, par exemple, ce soir, j'avais le cardinal Lemoine. Saint-Germain n'est pas rentré, Saint-Tropez non plus. Alors là, je vais les frapper tout à l'heure. Parce qu'ils avaient perdu leur costume. Mais c'est tellement beau, vous voyez, quand il y a l'adhésion, quand tout tourne, que... Moi, je m'en fous du jugement, pas de mes pères, parce que mes pères, j'ai trop de respect pour eux. Je sais, on fait un métier super difficile. Et j'aime bien être jugé par mes pères. Les autres, ils ne savent pas pourquoi ça ne marche pas. Moi, je le sais. Cela dit, c'est un endroit fabuleux. J'ai fait le spectacle pour mon fils. Il a 3 ans et demi. Il faut essayer de garder une âme d'enfant pour faire rigoler les gens. Et les enfants, parce qu'il n'y a que les enfants qui savent jouer. Les enfants, ils jouent sérieusement. C'est pour ça que je suis sérieux. Vous voyez, dans mon travail, je suis sérieux parce que c'est important. C'est important de faire rire les gens. C'est beaucoup plus important que tout. Vous voyez, les révolutions, c'est les artistes qui les ont faites, qui font avancer l'homme. Vous voyez. Music Hall égale ventilateur infatigable pour les cerveaux surchauffés du monde. Le merveilleux futuriste, caricature puissante, abîme de ridicule, ironie impalpable et délicieuse, cascade d'hilarité irréfrénable. Moi, ce qu'on appelle, ce sont les numéros visuels. Des fois, on prend des bides. Ça dépend là. Les Japonais n'apprécient pas beaucoup, ou s'ils apprécient, on ne le voit pas du tout, puisque alors eux, c'est pas des mimes, alors on voit rien du tout sur leur figure. Mesdames et messieurs, l'attraction que vous attendez, le numéro le plus sensationnel du siècle, du spectacle, de l'émotion, de l'action, de l'histoire. Messieurs, dames, ladies and gentlemen, meine Damen und Herren, un faux 100 fois plus meurtrier que ceux dans notre ménagerie. Un monstre sanguinaire aux yeux d'ange. des cœurs piétinés, des fortunes gaspillées, la saravante des amours, des sceptres, des couronnes, une révolution authentique. Authentique! Passion and glory, passion et gloire, triomphe et déchéance. Déchéance! Lola Montez, Biscum, la Musidora, Maria, Launay, Mansuel, Monsieur Blondin, enfin beaucoup de gens de l'époque. Comment vous appelez-vous, Marianne? Volupta. Non mais Marianne, ah déjà, oui, elle s'appelle Volupta. Baba Molenskin, Cutie Pullman, Eva de Bratislava, Judy Palomar, Goody Pentagon, Kiki Zanzibar, Lola, Lena Funambule, Lilia, Lova Moore, Lusa Matchbox, Lilith, Miko Miku, Mooney Trafalgar, Lilo, Norma Piccadilly, Prima Symphony, Arda Lilith, Sophia Palladium, Super Lilith, Galaxy, Trucula Bonbon, Lilum, Usha Starlight, Vanilla Banana, Lila Victoria Rodeo, Alila, Laïla, spelled backwards, Lulu, Ul Ul. Lou, Lilia, Polly Underground. J'ai travaillé dans une endroit aussi qui était au sous-sol, comme le Crazy, de Savien Underground. Et Polly, parce que j'ai fait le premier numéro ici, c'était Funky Chicken, le poulet, le Polly poulet. Polly Underground, that's me. I'm Polly. Maintenant, on applaudit très fort Madame Attel. Moi, je dis, ça, c'est pas moderne, ça, je vais faire. Bon. Il en est une que j'aurais aimé saluer sur celle scène, dans la salle, mais je la saluerai sur celle scène, car fort gentiment, elle nous a dépanné en remplaçant au pied levé notre chanteuse maison tombée subitement malade. Merci donc à elle que tout Paris a déjà baptisé la Raquel Welch du Bel Canto, Laurel de Budapest. J'en ai vu tant d'établissements de premier ordre. Côté public, une salle cruellement inondée de lumière où la fumée lourde amortit à peine l'or des moulures. Côté artiste, des cases sordides, sans air, et l'escalier de fer aboutissant à des latrines immondes. Hé Lélia, pourquoi tu fais pas nos claquettes? Oui, t'as du je fais mes claquettes. Non, je n'ai pas, j'en ai bien. Tiens, mon pote de claquettes vient mardi. J'en ai bien un S là, tu veux? Lili. Non, je peux demander 2 grammes d'hier à ce Serge. Je fais des claquettes avec ce type là. Oh, quel type? Vous prenez marcher sur un pied, c'était une éponge. Quel type? Oh, le kiko zamazli, damaché du gars. Il faut porter en soi le chaos pour enfanter d'une étoile absente. Allez, toute seule. toujours ça, tu vois. Manque deux bananes. Ils sont cassées. J'ai deux amours. Mon pays est Paris. Paris au Paris. La la la la. La di di la. Dis-toi, l'air de bouquin pornographe, hein, vicieuse. C'était la vraie Miss Tinguette, tu sais, qui articule bien avec sa belle voix. Avec sa bouche, mais tout. Puis alors, surtout, ton mouvement de jambe, il est chouette. C'est bien. Tu es une belle Miss Tinguette. Ah, bon. C'est une femme extraordinaire. Une femme merveilleuse, folle complètement. Mais très humaine. Elle aimait les gens. Quand elle aimait quelqu'un, elle aimait. Elle aimait ça. Paris. Paris, c'est une blonde aimée de tout le monde. Quoi après? Je me rappelle plus. Dans tout ce que j'ai fait, j'ai toujours mis Paris. Ça n'a rien à faire. Mon Paris, c'est tout de même mon Paris. Moi, j'avais une petite scène qui était charmante. Là, c'était Monsieur Kiap qui était à ce moment-là préfet de Paris. Hein? Alors, moi, je venais chanter, et les flics venaient pour m'arrêter. Alors, je disais, mais monsieur, qui est le préfet? Mais Monsieur Kiap, laissez chanter Paris. Et j'avais une chanson qui était charmante. Laissez chanter Paris, c'est un peu le printemps qui sourit. Alors, tout ça, c'était gentil, le public aimait. Une qualité que la Française seule peut posséder. Évidemment, nous, les petites Françaises... Vive l'amour. Mais oui. Les petites femmes de Paris. Les petites femmes de Paris, l'amour, évidemment. Paris, l'amour. Pour les Français et pour les Parisiens. Quelque chose de très français, de très parisien. Tous les gens de Paris viendront nombreux et le public de Paris dans un des théâtres qui restera bien français, bien de chez nous, avec uniquement des artistes français, de chorégraphie française, de musique française, avec des éléments français. Les Français ont du génie dans le sens que, eh bien, il y a toujours le miracle qui arrive, le rideau se lève et nous faisons des spectacles merveilleux et le public l'apprécie. Nous sommes Français avant toute chose, en fin de compte. Même les Français. Le Français que je salue avec respect. Je salue le Français avec d'autant de respect depuis que je connais la réputation de virilité extraordinaire. Que le français a l'air. Il y a du soleil chaque jour sur la pluie, il y a du soleil sur la peau chaque nuit, il y a du soleil à chercher Paris, ici. Parce que Paris, ça reste quand même la plus belle ville du monde. Moi, j'étais à l'étranger, je sais ce que c'est. Alors, on vous parle de New York, on vous parle de Los Angeles, on parle des machins, j'ai rien vu. Hein. Malheureusement, il leur manque. Il leur manque ce qui restera toujours à Paris. Il leur manquera les cousettes, il leur manquera Mimi, il leur manquera toujours la petite fleur de Paris. Qui fait que Paris existe toujours. Bien qu'on veuille le massacrer sans arrêt. Il manquera ce truc, vous voyez, cette petite bulle de champagne qui fait que Paris est Paris. Parce que c'est vrai, la France est quand même le plus beau pays du monde, c'est le pays le plus merdique. Et pourquoi la France est le plus beau pays du monde? C'est parce que c'est ouvert et c'est libre. Avant-hier, on en avait 400. Oui. C'était très bizarre, c'est très curieux, parce que moi c'est la première fois que ça m'arrive, et je regardais cette salle où je voyais que des gens avec les yeux bridés, et ça m'a fait un effet à... Des fois on a des Japonais, mais ils ne dorment pas ici. Au Japon, ils ont repéré un spectacle pour les bergers. Jusqu'à Z, ils ont copié tous les décors, les costumes, tout. Il faut croire que les gens ici imaginent tout ce qu'on fait à Paris, c'est extraordinaire. Donc, il faut copier. C'est un peu ça. Paris, c'est le seul pays au monde où on sait faire les spectacles. Tradition, pratiquement, dans une grande revue à Paris, il y a toujours un French Cancan. Voyez-vous, notre French Cancan est un French Cancan absolument exceptionnel parce que c'est un French Cancan d'hommes. Là, les hommes sont entourés de cancaneuses, mais les vedettes sont trois solistes de cancan masculins. Vous n'avez jamais fait porter des manteaux de plumes aux hommes, c'est la première fois. On en a vraiment plein les yeux. Parce que c'était les blanchisseuses qui ont crié la première. Ils ont levé les jupes pour montrer qu'ils ont le même linge blanc que les dames du monde, les dames de haute volée, qui sont venues nous voir danser. Jamais laisser la monotonie s'installer. On regarde ravi ce troupeau de filles passer en musique sur un fond de rouge sourd, coupé de glace, dans un tournoiement ralenti de chevaux de bois courant en rond au son d'un orgue, sur un bout de rideau écarlate orné de miroirs et de lampes. On regarde les hanches remuées dans des robes bordées en bas comme d'un remous d'écume par le blanc jupon qui se roule sous la queue de l'étoffe. L'on hennit en suivant le travail de ces dos de femmes se coulant entre les poitrines d'hommes qui, venant en sens inverse, s'ouvrent et se referment sur elles, laissant entrevoir par les interstices des têtes, des derrières de chignons allumés de chaque côté par le point d'or d'un bijou, par l'éclair d'une pierre. Oui, vous avez demandé, c'était fatigant. C'est le souffle. J'en fume trop. Oh, c'est Paris. Oh, God. C'est bien, c'est beau. Dis donc, on a ras-le-bol. Au bain terrible des étoffes, ses pâmes, radieuses, froide, la figurante qui illustre m'anthème giratoire, où tend une trame loin épanouie, pétale et papillon géant, déferlement, tout d'ordre net et élémentaire. Sa fusion, aux nuances véloces, muant leur fantasmagorie oxydrique de crépuscule des grottes. Il y aura une forêt, une grotte, un vieux troglodyte, une jeune amadriade, un faune dans la force de l'âge. On veut bien nous prêter la scène des folies le matin, de 10 à 11 heures, pour les répétitions. Débarrassée de ses toiles de fond, la profonde scène nous montre tout son plateau nu. Qu'il y fait triste, qu'il y fait gris lorsque j'arrive, sans corset, un chandail en guise de blouse et culotté de satin noir sous la jupe courte. Éteins les lampes, les blanches. Éteins les blanches. Éteins les blanches. Éteins les blanches. Éteins les blanches. T'as toujours les blancs répétitions là. Les prochains blancs répétitions. Oui, c'est bon. Wow. Ok, stop, on va recommencer là, parce que j'ai perdu. Ok, merci. Chaque numéro que je fais, je cherche à donner aux gens des images de rêve, donc des images qu'ils n'ont pas vues avant. La Nicole, il y a le machin derrière, voyons. Non, c'est le... Il y a le pailleté. Pailleté avec petite lampe, musical. Égal musical. Alors le costume, c'est un costume de croisée. C'est une grande croix qui part de la base du coude, ou de la base du collier du cou, jusqu'en bas, et qui croise au-dessus des seins. C'est une sorte de... En somme, ce sont des croisées, les crusades, quoi, les croisées modernes. Et ce costume est très géométrique, ça fait... Avec ça, ça fait très beau. Voilà le rouge. Bon, alors là, elle rentre dans ce rouge. Elle rentre libre, tu vois. Elle parle entre elles, hein. Elle parle entre elles. Rien n'est commencé, hein. Et les lumières, trop tard. Trop tard. Recommencez. Claude, recommence. Il faut enlever. Il faut envoyer les strombos une seconde avant si vous voulez que l'illusion soit que ça soit en même temps. Donc elles ont, le corps est beaucoup plus clair que ça. Là, on ne se rend pas compte parce que les maillots noirs absorbent de la lumière. Hein. Mais quand elles auront ces grandes croix qui partent de là, comme ça, grandes croix noires, en élastique, épais comme ça, de 100 cm, ça fait une impression terrible. Hein. Et elles ont des perruques rouges, rouges comme des croisées, quoi, comme ça, avec la voûte gothique là-haut, tu vois, petit arc gothique. Qui sont aux épaules, comme les croisées. Elles sont des bottes aussi de croisées qui vont jusqu'aux genoux. Pourquoi croisées et pas mousquetaires ou... Ah non, moi j'aime pas le 18e, non. Non. Moi j'aime ou le Moyen-Âge ou après le 19e. Mais ça m'est venu comme ça, j'aurais jamais pensé à faire un truc sur les trois mousquetaires. Parce que d'abord, ils n'aiment pas les plumes, on n'aime pas les chapeaux, hein, on n'aime pas les bouffants, j'aime pas les. J'aime pas tout ça. Pourtant, la plume au musical, c'est vraiment... Oui, c'est une tradition, mais nous, on a un musical sans plume ici. On est vraiment le musical qui s'est débarrassé de ses plumes. Oui, deliciosas plumas de azufre, río de plumas arrastrando cabezas de mármol, délicieuses plumes de soufre, fleuve de plumes entraînant des têtes de marbre, plume sur la tête, chapeau de plume. Tout, entièrement. Chevelure en plume, tout. Et des bras qui formaient des ailes de plume. Une longue traîne en plume. Dans le dernier spectacle que j'avais fait pour Zizi, le manteau était en plume d'autruche noire. Et ça remplissait entièrement toute la scène. Ça partait du haut de l'escalier et toute la largeur et toute la profondeur de la scène. Mais vous savez, c'est très bizarre. Tout le monde me croit tellement lié à la plume. Mais je n'en ai pas vraiment. Vous étiez à contre-mode, alors? Oui. Je ne sais pas. J'ai fait énormément de fausses plumes. C'est-à-dire découpées en cuir, découpées en velours, des plumes stylisées. Mais des vraies plumes, pas tellement. Qu'est-ce que vous pensez de la plume? Ah, je l'adore. Sans plume d'autruche, il n'y a pas de revue. Ça transforme les femmes en oiseaux. Elles bougent bien, leurs jambes sont bien, les bras sont bien, les têtes sont bien. Mais les plumes, ça remplace... dans l'impression que la pied a 4 jambes et 8 bras, au moins. Parce que ça bouge dans tous les sens quand elle descend de l'escalier ou elle travaille sur la scène. Et la plume, c'est une chose chatouillante, c'est une chose légère, c'est une chose extraordinaire. Très coûteux, très cher, mais on ne peut rien remplacer. Oh non, non, non, pas de ruban. Je mets de la plume, moi. Les rubans, c'est trop bon marché. Non, j'aime que le cher. Dans un tableau pour les Equalfolies, j'avais utilisé 1,5 km de la meilleure qu'on avait commandé à Lyon. C'était le tableau de l'art. Oui, du luxe. Rêve de luxe. Le décor, le plafond du cancan qui descend des Saintes pèse 600 kilos. Et tout est comme ça. On a 60 tonnes de décors dans les cintres. J'ose à peine vous demander le nombre des costumes. Plus que 600. 650. Oh. Voilà. Voyez-vous, c'est là où tous les costumes se fabriquent. Voyez-vous, un chapeau qui va... que j'ai fait pour la prochaine revue, avec le petit soutien-gorge assorti avec des strass. Alors voilà, tous les costumes, vous voyez, qui sont nettoyés, qui sont classés par style. Voyez, alors ça, c'est des galons, des strass de toutes sortes. On fait des récupérations. Ça, ça se brille et ça bouge. Et parce que ça, ça, ça scintille avec le projecteur. Et alors, on a l'impression que ça bouge sur les êtres humains, sur les bras, sur les jambes, sur les têtes, sur, ça, sur les cheveux, autour des coups, tout ça. J'ai des costumes entièrement faits en strass. Alors, c'est un effet extraordinaire. Très transparent, avec des plumes de coque. Des plumes de coque au décolleté, en bas des manches et en bas de l'ourlet. Alors, si bien que ça fait très vaporeux, ça fait très féminin. Vous voyez, et il y en a d'autres aussi. Vous voyez, il y a celui-là qui est tout en dentelle. Vous voyez, ça, c'est joli aussi. Alors, il y a les seins. On voit les seins nus. Forcément, c'est une revue, de nu quand même. Alors, il faut quand même que les clients voient du nu. Sinon, ça serait pas la peine. Voyez-vous, là, ce sont des robes en strass. Voyez-vous, avec du cygne. Bord. Ça fait très joli sur scène. Tout ça, ce sont des soutiens-gorge aussi avec des strass, avec les slips assortis. Tout ça, il faut que ça brille avec les lumières. Tout ça, ça c'est aussi une cape en cygne. Vous avez des robes en mousseline blanche avec des tas de paillettes. Il y a des paillettes, évidemment, dont j'ai horreur. Avec pantalon assorti avec des strass. Vous voyez, type espagnol. Mais il y a... énormément de plumes, énormément de... merveilleuse. Il y a beaucoup de chapeaux là-bas, vous avez vu. Pourtant, des turbans, des chapeaux de roi, de reine. De... enfin, je ne déteste pas les paillettes mates, avec mélangées un petit peu. Mais je déteste les platitudes de paillettes brillantes. Ça, je trouve ça horrible. Ça a un côté vulgaire, comme un... tout le monde se figure le musical, c'est le symbole, c'est la paillette. le luxe se... Toujours, toujours très simple, jamais très compliqué, parce que c'est doré. Risquez vos épargnes, ne soyez pas mesquins, avec vos derniers sous. Buvez du champagne. Le luxe, c'est sous le champagne. À mon avis, les théâtres qui réussissent davantage les choses les plus fortes de l'imagination, c'est les théâtres les plus dépouillés. Juste une seule plume qui tombe d'un noir peut avoir plus de force. Plus on veut créer une magie, plus on appauvrit cet espace. Quand on voit par exemple, je sais pas, pour donner un exemple, je me souviens de voir la fin justement d'un spectacle de travesti avec ce travesti anglais qui s'appelle Danny Larue. Et puis il sort comme ça derrière un escalier, il descend avec une énorme cape tenue par les boys. Puis pour faire un effet, une grande apothéose, et qu'il l'était pour le public, on descend les rideaux, on sent des pas, des gens qui courent, tuc, tuc, tuc, tuc, comme ça, et puis quand les rideaux se relèvent, il est simplement dans la position inverse, c'est-à-dire qu'il avait redescendu, et puis il a remonté la cape à l'envers pour que les gens puissent la voir. Et les gens, quand ça se relève les rideaux, ils applaudissent parce qu'ils voient bien la cape, l'effort des couturières et tout ça. Et en même temps, c'est une chose d'une pauvreté ahurissante et merveilleuse. C'est pour ça que tout ce trucage, tous ces efforts qui ne tiennent de rien et qui ont la prétention vraiment d'émouvoir et qu'ils arrivent à les faire la plupart des fois, c'est ça qui me touche profondément. Je sais pas, c'est à mon avis, c'est un genre qui se bat avec la réalité à coups de poing tout le temps. Et c'est ça qui est tragique, comique et purement théâtral. On peut rêver des voitures dorées ou des grands hôtels très luxueux sous le soleil de la rivière en fumant des très bons gros cigares. N'oubliez pas de vous parfumer avec du parfum de fragrances suaves, laissez couler quelques gouttes fragrantes, vous serez dans un monde doré. Dans les années 30, il y avait des hommes qui aimaient tellement le théâtre et qui se seraient ruinés pour mettre des capitaux dans les affaires théâtrales. Maintenant, pensez donc. Oh non, maintenant c'est plus pareil. Oui. C'est plus la même chose, enfin. Et ils gagnent beaucoup plus d'argent que nous. Parce que vous savez, ils avaient 25 francs par jour, au petit casino, matinée, soirée, tous les jours. Puis on ne se maquillait pas pour faire des économies. Et maintenant, je ne sais pas, c'est devenu un commerce. Figurez-vous, si on fait 5 millions de recettes un soir, la direction y perd de l'argent. Pensez, pour amortir, il faut jouer au moins 3 ans le spectacle. Et puis il faut aussi gagner l'argent pour faire le nouveau spectacle, plus les impôts, alors vous comprenez, il ne nous reste rien pour manger. Eh bien, voyez, monsieur, là, dans ce costume-là, je chantais la chanson à Chevalier, « Savez-vous planter les choux ?» Mais alors, moi, je ne disais pas « Savez-vous planter les choux ?» Je chantais « Savez-vous gagner des sous ?» À la mode, à la mode. C'était pas pareil, voyez-vous. La soupe. Chez beaucoup, mais ça se voit pas. Il y a des trucs qui repassent deux fois, on s'en rend pas compte. On rajoute un truc différent. Les choses ont décuplé en 5 ans. La fourniture de musicaux, c'est 10 fois plus cher. 10 fois plus cher, les plumes, les strass, tout ça, 10 fois plus cher. Si vous voulez monter une grande revue, c'est vraiment des centaines de millions, si vous voulez aller jusqu'au bout. Et encore des artisans qui existent. Le jour où ces artisans vont mourir ou disparaître, je ne sais pas comment on fera. Il n'y en a plus. Madame Février, qui est la dame des plumes, est morte. Bon, heureusement, elle avait son bras droit qui continue, mais qui est une femme qui n'est pas non plus toute jeune. Le jour où il n'y a plus personne pour suivre ça. Bonjour. Et il travaille pour Las Vegas, il travaille pour l'Amérique. Les ouvrières sont très âgées parce qu'il n'y a plus personne. C'est des vieilles femmes, le jour, ils ne trouvent pas de jeunes pour remplacer. Alors un beau jour, peut-être dans 8 ans, vous n'aurez plus de plumes. Et je sais que les Japonais, pour revenir toujours aux Japonais, ils viennent toujours, leitmotiv, ils essayent depuis 10 ans de fabriquer des plumes synthétiques et n'y arrivent pas. Ok. Ok. Ok. Ok. All right. Don't be sarcastic, eh? No. No. Don't be idiot, homie. No, di voi, sorry. Sorry, si di voi, no, you guys. Tell me when you finish. Fini? Yeah. Thank you very much. You're welcome. C'est fini? Oui. C'est fini. C'est fini? Oui. Merci beaucoup. Cade quoi? Bon garçon, eh? Oui. Ha. Ha. Ha. Please, eh? Very sorry. Oh, very sorry. Une lourde main, celle de Salomon, se pose sur mon épaule. Pour un contrat, c'est un contrat, je pense. Je le tiens, ce contrat dactylographié, et je le relis pour la 10e fois dans la crainte de découvrir, entre ces 15 lignes brèves, le piège caché, la clause louche. J'ai connu deux messieurs qui m'ont donne de l'argent, des rois qui m'ont offert le royaume. C'est drôle, hein, parce qu'il y a des gens qui croient que les filles sont des filles qu'ils ont habituées d'être les stars, de sortir tout le temps avec les Rolls Royce dehors, les filles complètement folles. Qui se croit quelqu'un. C'est pas du tout comme ça ici. On est vraiment. Presque toutes les filles sont bien sérieuses. C'est une école qui est stricte au music hall. Il n'y a pas à se laisser aller dans le music hall qu'il y a dans d'autres métiers. Et le maître de ballet, il a raté son entrée, la porte de la mine a droit à un avertissement. Au moins deux, minimum. Parce que 3 avertissements on est renvoyé. Mais t'as vu comment c'est écrit ? Et un blâme, qu'est-ce que c'est ? Un blâme, c'est un tiers d'avertissement. C'est-à-dire 9 blâmes ou 3 avertissements. 3 blâmes donnent un avertissement. Mais ça vous coûte de l'argent, non, non, mais c'est-à-dire qu'en les cumulant, quand on a 3 avertissements, on est renvoyé. Enfin, normalement, mais enfin. Logique. Bah oui, parce que si on loupe une entrée, on a un blâme. Si on signe en retard le soir, 8h12 au lieu de 8h10, on a un blâme. Si on crie pas dans le cancan, bah oui, ça dépend qui. Voilà, loulou. Si on crie pas dans le cancan, on a un blâme. Non, il y en a qui en ont pas. Un avertissement, moi, un jour. Parce que je m'étais pas réveillée pour la matinée. Alors, ils m'ont dit faute professionnelle, ce sera un avertissement. Ce jour-là, je suis dans un état. Tu te rappelles ? 40 jours de tournée à 150 francs par jour, ça fait 6000 francs. Mais, dis-je enfin à Salomon, je ne veux pas t'engraisser de 600 balles. 10% à la fin, c'est de l'assassinat. Salomon devient de la couleur de ses cheveux, rose brique, mais de sa grosse bouche amène se précipite un flot de supplications presque amoureuses. « Ma chérie, ma mignonne, ne commence pas à dire des bêtises. Un mois que je travaille à ton itinéraire, demande à Brague. Un mois que je m'éreinte à te trouver des établissements de premier ordre, de tout premier ordre. Un affichage comme Madame Otero, tiens. Alors, 10%, mais c'est 12 que tu devrais me donner, tu entends ? Je t'entends, mais je ne veux pas t'engraisser de 600 balles. Tu les vaux pas. Je suis très en retard, je m'excuse. Je suis malade. Comme d'habitude, quoi. Le contrat est dans ce, je peux en confier. Hein. Tout est prévu, il y a des clauses. C'est toi qui check-up aujourd'hui ? Très strict. Colis, où elle est ? passe tout de suite après? Ah, oui, il ne faut pas qu'il y ait de bagarre. Parce qu'ici, nous est arrivée une histoire qui a manqué de tourner tragiquement. En 1954, Dodo d'Hambourg a été attaqué par une autre danseuse avec un verre que l'autre danseuse avait l'autre danseuse avait cassé le pied. Vous savez, comme dans les films. Et Dodo d'Hambourg est sorti juste au moment où la lumière se rallumait dans la salle. Et les gens ont cru que c'était un numéro hors programme. Elle avait simplement un grand voile sur tout le corps. Elle avait le bras déchiré, tout en sang. Elle est venue dans mon bureau, elle m'a dit « Regardez ce que Dolly a fait moi !» Et elle me montrait en effet une longue cicatrice, au moins 10 cm. Et enfin, c'est une histoire lamentable. Ici, tout le monde sait à sa place. Elle ne doit pas se battre. Elle doit seulement faire notre meilleur. Si on est sérieuse, ils nous gardent bien longtemps. Et si en une minute on est en retard, ils prennent 50 francs au plus. Et même si on n'est pas bien maquillé, la même chose. Pour éviter qu'il y ait des filles, comme elles gagnent assez grand salaire, qu'elles dépassent, parce que des fois c'est facile, à Paris surtout, de dépenser tout, il a fait le contrat où il est marqué on est obligé de faire un pain logement qui est arrêté pour 4 années, et c'est de l'argent qu'on ne voit pas. Nous, s'il y a une certaine somme d'argent enlevée de notre paye chaque semaine, qui est envoyée automatiquement virement à la banque qui met le virement sur le pain logement qui en touche pas pour 4 années. Faut être sérieuse. Si on n'est pas sérieuse avec le travail, si on vient pas tout le temps aux répétitions, si on fait des bêtises. Et puis qu'est-ce qu'il y a encore Les danseuses évidemment n'ont pas le droit, comme au music hall et au théâtre, elles n'ont pas le droit de paraître dans la salle. Elles ne doivent pas sortir de Crazy une demi-heure après la fin du dernier spectacle, de façon qu'elle ne puisse pas rencontrer le public. Non pas que je pense que ça ferait explosion, mais hein, de toute façon, sortir des artistes, c'est pas bon, parce qu'une artiste, quand elle sort, n'est jamais aussi belle que sur scène. Hein, il faut mieux garder des distances avec le public. Et puis, il faut que le public garde ses rêves, c'est tout. Car je cherche un mari. Ah, voyons voir. Oh, un mari barbu. Ah, venez donc avec moi. Vous me le prêtez, c'est à vous, c'est votre mari. You let me for 5 minutes. Thank you very much. Come on, venez vite avec moi. Il m'en faut au moins un autre pour choisir. Voyons voir, montez sur la scène. You go on the stage, I come back. Voyons, mais pourquoi pas ce monsieur qui boit du chocolat le matin, là? Venez avec moi. Allez, je peux, madame, à qui il est? La personne? C'est votre mari? It's your husband? It's you? Quand vous arrivez au Moulin Rouge ou ailleurs d'ailleurs, au Lido, vous arrivez, vous avez une entrée des artistes. Vous n'avez aucun contact avec le public, mais vraiment aucun. Vous ne voyez que les artistes et vous repartez comme vous êtes venu. Là, vous rentrez par la salle comme le public. Vous savez déjà à quel public vous allez vous adresser. Puis en plus, quand vous arrivez sur scène, vous les voyez vraiment de près, vous voyez vraiment leur réaction. En plus, bon, on passe par la salle, moi je vois, je chante dans la salle avec les gens. Ou des fois, quand il y a un japonais, par exemple, qui est assez près, qui dort, on essaie de le réveiller. Oui, je descends dans la salle, j'ai fait des papouilles pour le réveiller. Il faut que le final éclate pour qu'on reste sur une bonne impression. Qu'on parte en ayant vu des choses insensées. Thank you. réclamer l'addition. Les Esquimaux sont déjà dans la classe. Il y a un groupe de Japonais qui ne comprend pas. Oh, c'est fou. Alors, on en fait. Son fils. Faites-le en japonais, cette chanson. Pas bien détaché. Vous voyez où c'est? Non. S'il vous plaît. C'est là? Oh, merci. Merci. Allez. Est-il possible que cette femme empanachée d'aigrette soit un homme? Je joue avec des symétries de toutes sortes, disait Barbette citant Zarathoustra. Atelier de création radiophonique. L'ai-je bien descendu? L'avons-nous bien monté? Par Dodo de Beaubourg, Bernadette Chachacha, Michou Crazy, Dolly Dahlia, Rita Faribol, Angine Gardenal, Vendetta Cool, Vérité Montminou, Andrea Soho, Mika Trombone. Cette émission a été diffusée pour la première fois le 1er janvier 1978. Vous pouvez la réécouter durant 1000 jours et la télécharger pendant un an à la page des nuits sur le site franceculture.fr. Essayez, je vais faire danser.